Les Don Juan par Xavier Marmier. Parmi les traditions que le Moyen-Âge nous a léguées, il en est trois surtout que le temps n'a pu altérer et qui, après leur siècle de vie, surnagent encore pleines de fraîcheur et de jeunesse. C'est Faust, Don Juan et Robert le Diable, toutes trois réunies par une parenté assez étroite, toutes trois nées du même esprit de superstition, bien que cet esprit se soit singulièrement modifié en passant d'une nation à l'autre. À l'Allemagne pensive et mystérieuse, le caractère sombre et magique de Faust. Au sol brûlant d'Espagne, les sens ardents et l'âme passionnée de Don Juan. À la guerrière et farouche Normandie, la témérité bouillante et le caractère indomptable de Robert. Mais ce dernier encore peut perdre ce qu'il a eu de vitalité et tomber dans l'oubli, tandis que les deux autres subsisteront autant qu'il y aura une âme de poète pour les comprendre, un cœur souffrant pour les rêver, car ce sont là deux types moraux qui tiennent à tout ce qu'il y a de plus intime et de plus mystérieux dans notre nature. Si Faust a été, dans les siècles d'ignorance, un homme dévoué à l'alchimie ou l'inventeur des caractères d'imprimerie, si Don Juan a été un coureur d'aventure, si tous les deux ont existé réellement ou n'ont pas existé, qu'importe. Le Moyen-Âge, avec sa crédulité, son amour du merveilleux, a pris ces deux personnages pour en faire le sujet de ses naïves épopées, pour leur prêter une existence extraordinaire, un destin miraculeux. Nous les prenons, nous, comme deux profonds symboles, comme deux représentants de ce qui fait l'éternelle lutte, l'éternel problème de notre vie. Ici, le spiritualiste, là, le matérialiste. Ici, Faust, qui a pénétré dans toutes les sciences, qui a voulu voir tout ce que les autres hommes ignorent, et qui se retire là de ses travaux, là de ses longues recherches, là de tout ce qu'il a lu et découvert. Ici Faust, cet autre Prométhée, qui ne se trouve plus bien de vivre au milieu des hommes, qui aspire aussi à planer dans l'espace, à s'élever vers le soleil. Faust, l'âme ardente, l'âme insatiable, qui s'écrie avec le poète, « Oh, que n'ai-je des ailes pour m'envoler hors de ce monde, pour voir au crépuscule du soir la terre reposer à mes pieds, les montagnes resplendissantes de lumière, les fleuves roulant leurs ondes d'or au milieu de la vallée paisible. Oh, que ne puis-je m'abreuver à l'éternelle clarté, voir le jour devant moi, la nuit derrière, le ciel sur ma tête et l'océan au-dessous de moi. » Puis voici Don Juan, qui repousse toutes les théories de la science, qui repousse tout ce qui est travail, étude, développement de l'âme, pour s'abandonner à la fougue de ses passions, à la sensualité de son caractère. Don Juan porte aussi sa soif insatiable d'un côté, comme Faust la porte de l'autre. Il passe aussi de déception en déception. Le dégoût lui vint avec la coupe qu'il a longtemps convoitée, et le ver rongeur se trouve dans le fruit qu'il dévore. Faust et Don Juan gravitent ainsi leur échelle, l'un passe par tous les retranchements, tous les détours du spiritualisme, l'autre par toutes les jouissances du matérialisme, jusqu'à ce qu'ils arrivent tous les deux au terme de leur route et se rencontrent dans une même idée de doute, dans le même sarcasme contre le monde et contre le ciel, sous le manteau du diable ou de Méphistophélès. Faust a eu ses poètes. Don Juan devait aussi avoir les siens, et le premier de tous, si je ne me trompe, c'est Mozart. Il était encore jeune et peu connu lorsqu'il composa à Prague son Don Giovanni. Il y a mis toute l'énergie de la jeunesse, toute la puissance du génie qui fait éclat et se révèle. Si jamais Don Juan fut bien compris, c'est dans cette musique profonde et passionnée, c'est dans ces accents déchirants d'Elvire et de Donna Anna, dans cette joie farouche et ces chansons moqueuses qui courent d'un bout de la pièce à l'autre comme un rire infernal, dans cette dernière scène qui nous fait frissonner. Hoffmann a écrit sur une représentation du Don Juan de Mozart quelques pages que l'on peut regarder comme un de ses chefs-d'œuvre. Le musicien, le héros et la prima donna l'inspiraient. Il a mis en récit ce que Mozart mettait en musique. Il a dépeint Don Juan de manière à ce qu'on n'y ajoute plus rien, à ce qu'il reste nettement caractérisé et marqué au front de cette empreinte singulière que l'on retrouve dans le violon de Crémone, le Sanctus, le Majorat. Quel beau poème que le Don Juan de Byron! Quelle vie et quel mouvement! Quelle richesse d'images, de portraits, de descriptions! Qui de nous n'a pas suivi avec une joie curieuse ces aventures du fils de Donna Inès, ses amours avec la douce et innocente Julia, son voyage sur mer, son séjour auprès de la belle Haydée et son entrée au sérail et sa mission en Angleterre. Là se trouvent toutes les peintures sombres ou gracieuses qui nous attristent ou nous reposent. Là toutes les péripéties du drame, toutes les nuances du sentiment, tout l'amour, tout le scepticisme, tout Byron. Pourquoi le poème s'arrête-t-il au 16e chant? Pourquoi nous laisse-t-il aux prises avec un fantôme qui semble se jouer de notre attente et de notre bonne foi? Nous eussions fait si volontiers le tour du monde avec ce joyeux compagnon de voyage. N'est-ce pas grand dommage qu'il soit resté dans le château de Lord Henry? Et cependant, ce donjon est si beau, si poétique, si aventureux, n'est pas le véritable donjon espagnol, le donjon de Mozart ou de Hoffmann. Ce n'est pas cette nature ardente, inquiète, toujours avide de changements et de nouvelles émotions. C'est l'homme qui se laisse aller aux circonstances, non pas l'homme qui les domine pour satisfaire ses passions. Les aventures viennent le trouver, mais il ne les cherche pas. Ses amours changent, mais ce n'est pas sa faute, car il ne quitte qu'à regret sa Julia. Il a la ferme volonté de rester fidèle à son Haydée. Don Juan ici n'est pas le véritable héros du poème. Don Juan ne fait qu'obéir à la main savante qui le conduit. Le rideau s'écarte, et vous voyez tous les fils qui tiennent notre acteur suspendu sur la scène. Puis, de temps à autre, le poète s'en vient sans façon prendre sa place et se met à parler. C'est lui qui porte l'ironie du doute sur le front. C'est lui qui prononce toutes les maximes anti-métaphysiques et tous les paradoxes. Pendant ce temps, le pauvre Don Juan se tient humblement à l'écart jusqu'à ce que son maître le fasse reparaître. Don Juan n'est donc ici qu'un être fictif auquel s'appliquent toutes les fantaisies du poète. Ce n'est pas l'être dominant, l'être philosophique et traditionnel derrière lequel le poète devrait s'effacer. Molière a commencé par traduire le titre d'une pièce espagnole, El convidado de piedra, par le festin de pierre, et il a pris les mêmes licences pour le reste. Son Don Juan est un mauvais sujet qui nous amuse, mais ne nous étonne pas. Son Sganarelle est un coquin de la famille des Lafleur, des Scapin, etc. Et sa pièce est une jolie comédie, rien de plus. L'effet dramatique qu'il a voulu employer à la fin est totalement manqué. La statue du commandeur ne nous effraie pas, car nous sommes trop disposés à rire pour nous prêter à cette demi-sorcellerie. Mais du moins, cette comédie est vive, spirituelle, et nous courons avec plaisir d'une scène à l'autre, d'un entretien d'amour à une entrevue avec M. Dimanche, et d'un monologue de Sganarelle à la niaiserie de Pierrot. Je plains celui qui passe de cette œuvre de Molière à l'œuvre de Goldoni. Don Giovanni Tenorio, ossia dissoluto commedia. Là, il ne s'agit plus de chercher la comédie, ni le drame, ni le naturel, ni la passion. Les situations sont toutes invraisemblables, les caractères raides et guindés, la pièce se traîne tantôt comme une pastorale à la manière de Garini, tantôt comme une pompeuse tragédie. Ici, Don Juan est un être misérable qui n'inspire aucune pitié, aucune sympathie. Donna Anna est une prude qui entre dans une grande colère parce que Don Juan, pour qui elle éprouve un secret penchant, lui témoigne le désir de l'épouser. Donna Isabella court de je ne sais quel royaume d'Afrique pour retrouver son infidèle espagnol et tombe entre les mains de Don Octavio qui en devient amoureux. Don Alonso, le ministre du roi d'Espagne, n'a rien à faire qu'à négocier un contrat de mariage et se mêler, tantôt comme défenseur de la morale publique, tantôt comme parent, comme ami, à toutes ces intrigues d'amour. À la fin, Don Juan tombe sur la scène, frappé par la foudre, et Don Alonso s'en vient dire au public « Allez, ami, et que l'exemple de ce malheureux vous serve de leçon. Apprenez par là que le juste ciel punit les méchants et abhorre les impies. » Sur quoi le public doit se retirer très édifié. J'aime mieux, comme empreinte populaire de Don Juan, ces petites pièces que l'on joue sur les théâtres de marionnettes en Allemagne, en France, en Angleterre, et dans lesquelles Don Juan, après avoir trompé autant de femmes qu'il en rencontre, est emporté par le diable aux grands applaudissements des bonnes et à la grande frayeur des petits-enfants. J'ai cité l'ouvrage espagnol dans lequel Molière a pris l'idée de sa comédie. Cet ouvrage est de Tirso de Molina et c'est, je crois, l'un des plus anciens et des meilleurs livres que l'on ait écrit sur Don Juan. Là, le héros est un homme hardi et entreprenant qui court d'un pays à l'autre, d'un duel à un rendez-vous d'amour, de la maîtresse à la servante, de la grande dame à l'humble villageoise. Le long du chemin, il développe sa théorie, il explique ses principes. Il s'en va, nouveau Don Quichotte, proclamer son livre de chevalerie et ses enseignements d'amour, tandis que Leporello l'écoute humblement, les mains jointes, et compte dans sa pensée combien de sequins lui a valu leur dernière aventure. Leporello tient exactement un registre de voyage à deux colonnes. Sur l'une sont écrites toutes les bonnes fortunes de son maître, sur l'autre tous ses duels, et de temps à autre, il en fait la longue énumération avec le secret sentiment d'orgueil d'un bon négociant qui additionne ses chiffres de recettes. Quelquefois cependant, il s'avise d'adresser, mais bien doucement, des représentations à son maître, et voici comme Don Juan lui répond « Étudie la philosophie, mon enfant, et apprends par là à me connaître. Souviens-toi que nous devons toujours maîtriser les femmes et ne jamais nous laisser maîtriser par elles. Tiens, je suis aujourd'hui de bonne humeur, et je veux bien te dire ce que je pense. En me mariant, je donne la préférence à une femme sur toutes les autres, et par là même, je les offense toutes. Je veux être plus juste. Je veux faire ce qui est dans notre devoir, je veux les aimer toutes également. La constance est ennemie de la liberté, et l'homme est né pour être libre. Tout ce qui est beau a naturellement le droit de charmer. Pour moi, la beauté m'enchante, dans quelque endroit que je la trouve. Je porte à chaque femme le tribut qui lui appartient, et quand une jolie jeune fille me demande mon amour, si j'en avais 1000, je les lui donnerais. Les sensations d'un nouvel amour ont un attrait inexprimable, et les véritables jouissances ne peuvent se trouver que dans le changement. Puis, nous devons avoir aussi une certaine ambition. Nous devons songer à augmenter le nombre de nos victoires, et moi, je me sens une âme qui peut embrasser l'univers. Et comme Alexandre, je voudrais qu'il y eût encore d'autres mondes afin d'y étendre mes conquêtes. Derrière ce Don Juan aventureux, chevaleresque, se cache Astarté, autre personnage sombre et mystérieux, qui nous saisit dès la première fois que nous le voyons. Il ne se montre pas souvent, mais chaque fois qu'il apparaît, il laisse dans l'âme du lecteur une douloureuse impression. C'est lui qui vient tirer Don Juan des dangers où il se trouve. C'est lui qui l'arrache aux mains des alguazils. C'est lui qui le fait partir quand la police le cherche. C'est lui qui lui donne tout l'argent dont il a besoin. Sans savoir qui il est et quelle est sa mission, on devine la nature du contrat qui le lie à Don Juan, et l'on se sent livré d'avance à l'appréhension d'un fatal dénouement. Astarté est un autre type de Méphistophélès, un diable tout aussi fin, une figure plus méchante et plus froide. Il arrive au milieu des joies folles et des triomphes de Don Juan et ne rit pas, et ne se moque pas de lui, mais son front sérieux le glace et le peu de mots qu'il adresse le font frissonner. Don Juan quitte l'Italie, passe en Sardaigne et revient en Espagne. À Valence, il séduit Donna Anna et tue le commandeur. Puis il invite, comme nous le voyons dans Molière, la statue du vieux gentilhomme à venir souper avec lui. Don Juan et Leporello sont seuls. On frappe à la porte. « Va voir, » dit Don Juan, qui a frappé. « Ah, mon Dieu, je ne puis... »« Va voir, te dis-je. »« Si c'était... »« Leporello !» Leporello va ouvrir la porte et se précipite tout effrayé dans la chambre. « C'est... qui ?»« Il vient. »« Qui donc ?»« Votre hôte. Juste ciel, c'est lui. »« Mon hôte ?» répète Don Juan, non sans un certain embarras. La statue entre solennellement. « Tu m'as invité à dîner ?» dit-elle. « Me voici. » Leporello, à demi-mort de peur, avait l'immobilité d'une pierre. Don Juan marchait encore, mais machinalement, et sans savoir ce qu'il faisait. La statue s'assit. Don Juan tomba sur une chaise vis-à-vis. Il essaya de lever les yeux sur son hôte, et celui-ci lui jeta un regard foudroyant. « Tu me connais ?»« Oui, je te connais, » répondit Don Juan, qui crut pouvoir se remettre. « Leporello, un couvert pour mon hôte. »« Juste ciel !» s'écria Leporello, et au même instant il rencontra les regards du feu du commandeur et tomba par terre. « Voyez pourtant comme je suis bien servi, » dit Don Juan, et il plaça une assiette devant le commandeur, lui versa à boire, et prenant son verre, s'écria « Vive mon hôte, ma foi, le vin est excellent. »« N'as-tu rien à me dire ?» demanda le commandeur. « Rien. » « Et ta conscience ne parle pas ?»« Ma conscience est d'une très bonne nature. » Elle sait toujours me ménager. Misérable! S'écria le commandeur en se levant tout à coup. Tes heures sont comptées. Je t'appelle à comparaître devant la justice de Dieu. Tu sais quelle a été ta vie et ce que tu dois en attendre. Il sortit. Leporello, dit Don Juan, une lumière. Il n'a pas besoin de lumière, celui qui est conduit par le ciel, répond le commandeur, et il s'éloigne. Eh bien, s'écria Leporello, ne voulez-vous pas vous rendre à cette voix qui vous vient du ciel? Si le ciel veut me remettre dans la bonne route, dit Don Juan, il faut qu'il parle de manière à être compris. La porte s'ouvre de nouveau, et un homme couvert d'un long manteau blanc s'avance. Sois le bienvenu, bel étranger, murmure Don Juan. Ah, mon noble seigneur, dit Leporello, ce n'est pas là un homme de ce monde. Le nouveau venu demeure muet et immobile. Parle, s'écrie Don Juan. Puis voyant qu'il se tait encore, parle donc, ajoute-t-il. Oh, mon démon, qui que tu sois, parle, si tu ne veux sentir le poids de mon épée. Et à ces mots, il se précipite contre l'étranger, qui d'une voix sourde prononce ces paroles. Je suis celui qui cache tout et qui dévoile tout. Je suis celui qui règne partout. L'homme ne peut me dominer, mais il peut se servir de moi. Je suis celui qui prend et qui donne, et je viens pour te reprendre tout à toi que rien n'a pu corriger. Regarde maintenant qui je suis. Le manteau tomba, et le temps apparut avec sa faux, ses ailes et son sablier. Vois, le sable est écoulé, ta dernière heure est venue. Tu mens, s'écria Don Juan. J'ai encore 3 jours à vivre et je veux employer jusqu'à ma dernière minute. Tu n'as pas 3 jours, ta dernière heure est venue. Le temps disparut. Minuit sonna. Don Juan sentit un frisson glacé courir dans tous ses membres. L'orage se fit entendre et Astarté entra. Voici notre contrat, dit-il. J'ai rempli mes promesses. Je t'ai servi dans tes plaisirs comme tu l'as voulu. Les femmes se sont données à toi et l'argent ne t'a pas manqué. Maintenant, tu m'appartiens. Non, j'ai encore 3 jours. Tu ne les as pas. Maudit ! C'est vrai. Satan ! C'est vrai, mais tu m'appartiens. Don Juan s'élance en arrière, lève la main pour faire le signe de la croix, mais le diable se jette sur lui et l'emporte au milieu de l'orage. Tandis que les poètes anglais, espagnols, italiens, français mettaient Don Juan en drame ou en épopée, il ne pouvait manquer d'arriver que les Allemands le prissent aussi pour sujet de leur inspiration. Grabe, qui par son Napoléon et son Théodore de Gotland s'est acquis une assez grande réputation, publia, il y a quelques années, un drame sous le titre de Don Juan et Faust. Il y avait là certes une belle idée, mettre en présence l'un de l'autre ces deux caractères, l'âme et l'essence, l'idéalisme du savant, le matérialisme de l'homme du monde. Dramatiser ces deux grandes passions et les conduire toutes deux à leur dénouement, c'était là un vaste champ pour l'imagination d'un poète, trop vaste sans doute pour un homme qui n'est ni Goethe ni Shakespeare. Il y a cependant dans le caractère de Faust, tel que Grabe l'a conçu, une idée morale assez saillante. C'est de voir le désenchantement continuel de cet homme qui a pénétré dans toutes les profondeurs de la science et le fatal pouvoir qu'il acquiert de faire mourir Donna Anna, son dernier amour, sa dernière illusion. Malheureusement, ce Faust ressemble trop à une pâle copie de l'inimitable Faust du grand maître. Malheureusement encore, sa rencontre avec Don Juan ne présente pas le point de vue philosophique que l'on pourrait en attendre. Don Juan est aussi trop rêveur et trop métaphysicien pour un Don Juan, et toute la pièce a le grave défaut d'être ennuyeuse. Un autre Don Juan apparut il y a quelques années à Leipzig. L'auteur n'a pas osé y mettre son nom, et l'imprimeur même s'est cru obligé de se servir de l'ancien pseudonyme des libraires allemands, lorsqu'il faisait paraître des livres défendus. Mais c'est, à tous égards, une œuvre très remarquable, une œuvre pleine de poésie, de chaleur et d'entraînement. Là, Don Juan est peint avec toute cette effervescence d'imagination qui peut appartenir à l'homme né sous le soleil ardent d'Espagne. Là, Don Juan n'est plus seulement un dandy, un chevalier à bonne fortune, un espagnol germanisé qui se promène la nuit au milieu de Rome pour faire un dithyrambe sur les ruines de cette grande ville. C'est l'homme avide de jouissance, l'homme bouillant, l'homme emporté par ses passions telles que l'ancienne tradition le montre, telles qu'il faut le rêver pour ne pas le faire redescendre au niveau d'un rouet de bon ton. Don Juan a mis de côté toute croyance en Dieu, toute religion, tout sentiment. Il n'a pour lui qu'une chose vraie, c'est l'empire des sens. Il n'y a pour lui qu'une vie terrestre et passagère, et cette vie, il veut la connaître dans tous ses raffinements, dans toutes ses voluptés. Que lui importent alors les serments, la foi jurée, la fidélité à l'égard d'une femme ? Il faut qu'il apaise ce besoin de plaisir nouveau qui le tourmente. Il faut qu'il passe sans cesse à un nouveau lien qui se brise, à un nouvel amour qui le trompe. Il faut qu'il aime sans avoir le cœur rempli, qu'il s'abreuve de baisers sans pouvoir jamais dire « c'est assez ». Qu'il se passionne pour toutes les femmes sans pouvoir s'arrêter à aucune. Horrible tourment auquel on n'a pas encore assez réfléchi et qui mériterait pourtant d'exercer l'attention des psychologistes. Car il y a encore dans le monde plus d'un véritable Don Juan, plus d'un de ces êtres malheureux qui ont porté avidement à leurs lèvres la coupe que la fortune et l'amour leur présentaient et qui n'en ont ressenti qu'une soif plus difficile à apaiser. Don Juan passe ainsi de conquête en conquête, sourd aux plaintes de ses victimes, à leurs passions, à leurs regrets. Pour lui, l'amour d'hier est un amour fini. La femme qui a cédé à ses vœux est une femme oubliée, car il étouffe dans son âme tout sentiment moral pour ne plus obéir qu'à l'impulsion de ses sens, à la frénésie de ses caprices. Autour de lui se meuvent, sous des couleurs étranges, et ces malheureuses femmes qu'il traîne à sa suite, et ses amis qui se plongent dans une vie également molle et oiseuse, et ces pages qui prennent exemple sur leur maître. Tout ce monde-là prend la même voie, vit dans le même paradoxe, court après le même but, souffre des mêmes agitations. Tout ce monde-là tourbillonne autour du héros, comme une troupe d'écoliers autour de leur maître, jusqu'à ce qu'à la fin, Don Juan se retrouve avec la seule femme qu'il ait jamais regrettée. Cette femme, il la croyait morte, elle vit. Il lui donne rendez-vous dans un cimetière. Il y va, il descend à minuit auprès d'elle, dans une fosse. Il la prend dans ses bras, mais il reste froid. Il veut couvrir ses lèvres de baisers, mais ses baisers le glacent. En vain cherche-t-il à ranimer son courage, en vain se souvient-il comme cette femme était belle et combien il l'a aimée. Il reste froid, il ne trouve sur son sein qu'un douloureux serrement de cœur. Alors il a honte de lui-même, il maudit le monde et se tue, car dans la pensée du poète, si Don Juan ne peut plus goûter de jouissances matérielles, Don Juan doit mourir. La censure allemande, gardienne rigoureuse de la politique et de l'orthodoxie, chaperon inflexible de la morale, ne permettrait pas la vente publique d'un tel ouvrage. Mais je crois qu'il a été mieux compris et plus exactement jugé par un poète célèbre de la Prusse qui, pour en faire saisir le geste de moralité, disait qu'on devrait lire ce livre dans une église. Xavier Marmier.